fleuri, fleuri à moi. En fleurs qui déjà fané. Je dis moi qu'arrivé, je l'aime pas porter mes chances. Et puis vous, venez venir en vaille que moi.